toute une vie passée dans l'obscurité, toute une nuit à penser réalité. Si j'avais su que tu serais descendu sur cette terre par les airs, toi sur qui j'ai jeté mon dévolu. Te prendre dans mes bras, te chuchoter ces mots tout bas, penser comme toi, me laisser enivrer, parlez-moi. Comment veux-tu que je résiste à toutes tes caresses qui me portent à l'ivresse? Encore une fois, abandonné de cette façon-là, tout est comme ça. Je perds décidément confiance en moi. Si tu savais comme je vois la vie désormais, toute une vie passé dans l'obscurité, toute une nuit à être aimé, puis toute une vie à le regretter. C'est comme si je sombrais dans l'ignorance. L'ignorance.